Se bom do Partenon Porto, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. Se bom de sortir des motos, des petits rien du tout, mais qui en disent long. En voyant notre ami ravi. Passons dans la rue nos envies. C'est si bon de guetter dans ses yeux un espoir merveilleux qui me donne le frisson. C'est si bon ces petites sensations, ça vaut mieux qu'un million. Tellement, tellement c'est bon. Que je ne pourrais pas dire.